dans la main, on se comprend. Peux-tu te rapprocher, montrant son amitié. On se sent hors du rang, ami compatissant. Tu me comprends. Ami compatissant, tu me comprends. Tu me comprends. Les gens sont méchants avec nous, ils n'écoutent plus nos chants. Mais la musique est là comme un pan. Mais ils ne l'entendent pas, ils sont fous. Amis compatissants.